Tu conduis ton peuple hors de l'Égypte, pas par la route la plus courte, mais par le désert et la foi, là où la dépendance devient source. Une colonne de feu dans la nuit, une nuée pour le jour. Ta présence devient le GPS du ciel pour chaque étour. Tu ne promets pas toujours le chemin le plus rapide, mais toujours la route sûre. Tu marches devant nous jour et nuit, par le feu, par la nuée, même quand nous ne voyons pas l'issue, ta présence nous ouvre le sentier. Vaut mieux que comprendre chaque détail du travail.